L'affiche traduisant la volonté unanime des jeunes avant-gardes coréens de célébrer la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung en un grand festival des jeunes de la Corée du Tse vient de paraître. Avec à l'arrière-plan le ciel de la place Kim Il-sung au feu d'artifice, l'affiche présente l'emblème de l'Union de la jeunesse et les mots 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung.